Intelligence réelle versus artificielle. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'intelligence réelle est le produit de l'activité de la conscience de l'individu en contact avec le réel, c'est-à-dire en contact avec l'essence des choses. Donc, pour avoir accès à une intelligence réelle, il faut que l'individu soit réel, c'est-à-dire qu'il ait un ego transparent, c'est-à-dire que, à quelque part, il soit capable de percevoir l'essence des choses, c'est-à-dire être doté d'une conscience vibratoire. Et pour pouvoir capter le réel des choses sur le plan énergétique fondamental, il faut que l'individu ait intégré la dimension énergétique de sa contrepartie cosmique en tant qu'esprit, c'est-à-dire qu'il ait vécu le processus de la fusion qui lui permet d'accéder à la conscience réelle qui est le fruit du mariage de sa conscience et de celle de l'esprit. Donc, autrement dit, il faut que l'individu accède à une conscience multidimensionnelle pour accéder à une conscience réelle qui, par la suite, va lui permettre d'avoir une double vision sur la réalité, c'est-à-dire percevoir des choses sur le plan des sens physiques, le goût, l'ouïe, l'odorat, donc appréhender la réalité d'une manière sensorielle, mais aussi à partir de sa sensibilité pour être capable de percevoir les énergies derrière les événements, les individus et les situations. Donc, la conscience réelle aussi a pour propriété de générer de la créativité, de la nouveauté. Donc, c'est pas une conscience qui a une mécanicité, c'est pas une conscience qui est le fruit de la réflexion, c'est pas une conscience qui est le fruit de mémoire se rapportant au passé. Donc, bien que la conscience réelle peut utiliser le support de formes mémorielles déjà existantes pour véhiculer une vibration, mais le fondement de la conscience réelle, c'est de véhiculer une vibration qui est nouvelle. Tandis que la conscience, ou devrais-je dire l'intelligence artificielle, bon ben, l'intelligence artificielle, c'est une étiquette qui est à la mode au moment où je fais cet enregistrement. Il y a beaucoup de gens qui parlent du déploiement, du développement sur le plan de l'informatique, de l'intelligence artificielle, mais qu'en est-il vraiment? En réalité, l'intelligence qu'on dit provenir d'algorithmes informatiques, c'est une impression d'intelligence, c'est pas une intelligence réelle. Parce que en réalité, donc l'intelligence artificielle au niveau informatique est le produit d'équations mathématiques que des individus ont programmées dans des machines, c'est-à-dire des lignes de code avec des symboles pour programmer des ordinateurs. Et avec le temps, au fil des années, on a des équations mathématiques qui sont de plus en plus sophistiquées, donc de plus en plus complexes, et qui permettent donc de programmer des machines d'une manière de plus en plus complexe. Et ça donne l'impression qu'une intelligence artificielle qui existe. Mais en réalité, l'intelligence qu'on dit artificielle, c'est une impression d'une intelligence qui vient de la machine. On a l'impression que la machine, à force qu'elle utilise des codes qui sont complexes, qui sont sophistiqués, qui lui permettent d'appréhender de plus en plus la complexité du réel, on a l'impression que la machine est intelligente, alors que c'est pas réel. Donc, la machine en tant que telle est le résultat de programmation. C'est sûr que plus que les programmes qui s'y rapportent, les algorithmes qui permettent à la machine de traiter de l'information sont complexes, puis plus aussi que la machine est capable de traiter rapidement l'information, et plus on peut avoir l'impression, l'illusion que la machine en tant que telle est intelligente. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement un leurre lié à une sophistication puis une mystification qui est le produit de la complexification de la capacité de la machine de traiter l'information qui s'opère avec le temps. Donc, c'est sûr qu'un individu, par exemple, qui va utiliser un logiciel de reconnaissance vocale ou qui va, dans le fond, parler à une machine pour lui dire des commandes, comme, par exemple, dans le fond, la personne parle avec la machine pour entendre une blague ou connaître l'état de la météo, ou aller chercher des informations sur Internet, ben, la personne peut avoir l'impression que la machine est dotée d'une conscience et qu'elle a une intelligence, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et son activité est tout simplement le produit de programmation liée à des algorithmes de plus en plus complexes qui sont produits par des programmeurs informatiques, tout simplement. Mais le point que je veux mentionner, c'est qu'à mesure que la machine devient avec des programmations de plus en plus complexes, puis à mesure que l'être humain peut être mystifié par la machine et en venir à croire que la machine est dotée d'une intelligence propre, alors qu'en réalité, la machine réagit à l'être humain en fonction d'algorithmes et de programmations, tout simplement. C'est tout simplement ça qui se passe. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, l'être humain devient tellement mystifié par la machine qu'il va parler avec la machine comme si c'était un ami, un individu, puis avoir l'impression d'être avec quelqu'un sur le plan physique, alors qu'en réalité, il est avec une machine. Et c'est sûr que le comble de la réussite pour un programmeur informatique, c'est d'en venir à avoir une telle sophistication dans la capacité de générer, entre guillemets, une intelligence artificielle que l'être humain va penser qu'il est en interaction, en échange avec un être humain réel, c'est-à-dire de faire passer l'artificiel pour un être humain réel. Et c'est sûr qu'à quelque part, un programmeur informatique qui atteint ce stade de réalisation, ben il peut avoir une certaine forme de fierté parce que d'une certaine façon, il réussit à égaliser en partie l'intelligence humaine. Mais c'est sûr que à quelque part, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'intelligence artificielle est le produit d'êtres humains. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que si on y va en profondeur pour faire une lecture sur ce sujet, c'est que le concept d'intelligence artificielle qui fascine plein de personnes à l'époque actuelle est le produit de programmeurs informatiques qui sont sous influence de pensées qui viennent d'ailleurs. Donc, si on part du principe que c'est l'être humain ne génère pas les pensées, mais que l'être humain reçoit des pensées de l'invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'invisible, il y a des entités, il y a des consciences qui ont cheminé dans l'esprit de l'être humain l'idée de générer des codes qui vont générer des programmes, qui vont générer des algorithmes de plus en plus complexes et d'appeler ça de l'intelligence artificielle par la suite. Et ensuite, des êtres humains sont mystifiés par ça, puis il y a des êtres humains aussi par rapport à l'activité d'algorithmes qui, par exemple, vont suggérer de visionner des vidéos sur le web ou des envois de messages sur les réseaux sociaux, bien, vont être influencés par cela. Donc, c'est sûr que le but, par exemple, de réseaux sociaux ou de sites de diffusion de vidéos à quelque part, s'ils ont une fonction commerciale, c'est d'amener les gens à être sur ces plateformes le plus longtemps possible pour être exposés, entre autres, à de la publicité en relation avec les entreprises qui donnent du financement à ces sites web, donc pour que ça soit rentable sur le plan commercial. Donc, autrement dit, ce qui est arrivé, c'est que des êtres humains ont généré des programmes et par la suite, les programmes orientent le comportement d'individus pour les amener à visionner certains types de vidéos. Et ce qui est particulier derrière ça, c'est que l'être humain va influencer la machine pour, dans le fond, la doter d'algorithmes particuliers plutôt que d'autres, donc à partir de sa subjectivité. Et par la suite, la machine va influencer d'autres êtres humains pour influencer leur comportement, par exemple, d'écoute et de visionnement de vidéos. Et ce qui est particulier, c'est que ça fait comme une boucle, c'est-à-dire que l'être humain influence la machine et ensuite la machine influence l'être humain qui peut avoir par la suite des comportements machinaux. C'est-à-dire que si l'être humain se laisse passivement programmer par l'activité d'algorithme qu'on appelle intelligence artificielle, eh bien, à ce moment-là, l'être humain est sous influence de la machine. Et déjà que l'être humain est sous l'influence de plein de choses, comme par exemple la publicité qu'on pouvait voir à la télévision, là, la publicité rendue sur le web. Ensuite, l'être humain est sous influence de la culture dans laquelle il se situe. Est sous influence aussi du contexte planétaire. Il est sous influence des gens de son environnement. Et là, il devient sous l'influence d'une intelligence artificielle. Mais l'être humain ne doit pas devenir l'esclave de l'intelligence artificielle comme il doit devenir l'esclave de rien. Parce qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'être humain, lorsqu'il agit en fonction fondamentalement de l'intelligence artificielle, parce qu'à ce moment-là, lorsque l'être humain agit en fonction d'une intelligence artificielle plutôt que lui-même, bien, il n'est pas libre. Et c'est sûr que ce qui va permettre d'équilibrer le rapport au développement de l'intelligence artificielle, entre guillemets, qui est très fascinant à l'époque actuelle, c'est en contrepartie le déploiement de l'intelligence réelle au sein de l'individu. Plus que l'individu est doté d'une conscience propre, d'une capacité d'avoir un esprit critique et une capacité aussi à générer son propre savoir à travers sa parole, et à mesure qu'il peut équilibrer son rapport à l'intelligence entre guillemets artificielle et aux algorithmes de plus en plus sophistiqués qui sont utilisés et déployés pour l'amener, par exemple, à être orienté pour écouter certaines vidéos, regarder certains articles sur le web, consommer aussi d'une certaine façon. Donc, autrement dit, l'intelligence artificielle sert entre autres à recueillir un maximum d'informations sur l'individu, voir c'est quoi ses intérêts en termes de, par exemple, de vidéos, ensuite lui faire des suggestions qui vont dans le même sens. Et plus que l'intelligence artificielle est sophistiquée, puis plus qu'elle peut avoir accès en grande quantité à des informations pour proposer à l'individu des choix personnalisés. Donc, et à ce moment-là, plus que l'individu peut être influençable par rapport au mémoriel, aux traces d'informations qui se rapportent à son passé, à ses comportements. Donc, tout ce que fait en termes d'action par l'individu peut être utilisé pour l'influencer ensuite dans une direction. Et à ce moment-là, ce qu'on peut constater, c'est que l'intelligence artificielle joue un rôle similaire à celle des entités du plan astral et qui vont recueillir des informations sur des individus pour, par la suite, se servir de ces informations pour l'influencer. Et c'est la même chose que peut faire des algorithmes ou des logiciels de traçage d'activités web d'individus pour ensuite l'influencer. Donc, il y avait un adage qui dit sur le plan juridique que tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Et en lien avec ça, ce qui arrive comme réalité, c'est que tout ce que fait l'individu sur le web peut, à quelque part, être récupéré par l'intelligence artificielle qui fait le traçage de l'individu par des logiciels pour, par la suite, récupérer l'ensemble des informations relatives aux activités pour l'influencer. Donc, et ça, c'est quand même particulier. Et c'est sûr qu'avec des logiciels de reconnaissance vocale, eh bien, en effet, on peut en venir à un point où tout ce que dit l'individu peut être reconnu contre lui dans le sens que si, par exemple, un individu a un assistant vocal et que l'assistant vocal, à quelque part, mémorise les mots qui sont utilisés à répétition, ben à partir de cette information-là, si l'assistant vocal est en relation avec différents appareils, informatiques, peut projeter sur les appareils des publicités qui vont être ciblées en relation avec les mots utilisés. Donc, si, par exemple, un individu utilise régulièrement le mot « automobile », c'est possible que des publicités d'automobile apparaissent sur son téléphone intelligent et également là, sur son ordinateur personnel. Donc, éventuellement, la technologie se dirige vers ça de plus en plus, c'est-à-dire tirer profit de l'information qui revient d'une manière régulière par rapport à l'individu dans ses propos, donc les occurrences, pour que par la suite, l'intelligence artificielle évalue à partir de la banque de publicité qui, par exemple, se rapporte à l'entreprise qui va vendre des informations liées aux clients, par exemple, d'un service de reconnaissance vocale ou d'intelligence artificielle pour par la suite acheminer des publicités. En ce sens que si quelqu'un, par exemple, utilise régulièrement le mot « automobile achat », ben il est possible qu'en fonction de ces termes qui soient reconnus par un ordinateur, il y ait une compagnie qui vend des automobiles qui, par la suite, achemine une publicité ou des publicités pour que la personne, dans le fond, soit orientée pour acheter le véhicule automobile d'une marque plutôt qu'un autre. Donc, éventuellement, c'est toute l'information qui provient de l'individu peut être utilisée pour l'influencer dans certaines directions ou le recadrer aussi. Dans le sens que si quelqu'un fait allusion régulièrement à un virus, ça se peut qu'il reçoive de la publicité en relation avec la prévention de la transmission d'un virus. Donc, il y a des logiciels qui se développent de plus en plus d'une manière sophistiquée pour cibler de manière de plus en plus précise des clients. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a l'être humain, puis derrière l'être humain, tant qu'il vit une certaine inconscience dans son rapport avec l'invisible, il peut être sous l'influence, malgré lui, de forces qui l'échappent, que ce soit des entités du plan astral ou également du plan mental, qui vont l'amener à développer certaines inventions dont il ne connaît pas et ne comprend pas tous les aboutissants étant donné les impacts éthiques aussi, étant donné que les êtres humains qui vont recevoir de l'information dans le mental pour mettre en place, par exemple, des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour quel déploiement de l'intelligence artificielle, ils ne voient pas nécessairement toutes les conséquences par rapport à ça. Ils n'ont pas la capacité d'avoir non plus accès à un savoir vibratoire qui leur fait voir tous les enjeux relatifs au déploiement de telles programmations sophistiquées sur la vie d'êtres humains présentement, mais aussi pour les prochaines décennies, les prochains siècles. Donc, ils ont une compréhension relative de cela. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, si un être humain met en place des algorithmes de plus en plus sophistiqués dans des réseaux électroniques et que l'être humain n'a pas la compréhension de l'ensemble des impacts de ses actions et de leur portée éthique, c'est sûr que ça peut donner place à des dérapages comme des situations de cyberdépendance, en ce sens que il peut y avoir des algorithmes très sophistiqués qui amènent des gens à devenir de plus en plus dépendants de certaines vidéos. Et comme les gens sont relancés continuellement avec des vidéos similaires, s'enliser dans certains cas dans des croyances de manière de plus en plus rigide liées au fait que l'algorithme évalue qu'un individu s'intéresse à tel type de vidéo, donc lui relaie des vidéos de manière similaire pour que l'individu passe un maximum de temps devant l'ordinateur, mais en faisant ça, comme l'individu n'a pas de vidéo avec des éléments d'information contraires ou complémentaires, il peut avoir un enlisement dans certaines croyances. Donc, autrement dit, ça fait partie des effets pervers que sans doute certains individus qui ont développé des algorithmes pour amener l'intelligence artificielle n'ont pas nécessairement vu. Donc, si je pose présentement la question à l'esprit par rapport à l'intelligence artificielle, quels sont les impacts que ça peut avoir à court, moyen et long terme? Ben, ce que ça me dit intérieurement, ce que l'esprit me dit, c'est que ça va amener de la programmation d'individus. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'autrefois, les gens étaient programmés par la radio, la télévision, et là, les gens sont de plus en plus programmés par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais la distinction, c'est que, à la différence de la télévision et de la radio, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir cibler l'individu d'une manière personnalisée. Donc, autrement dit, on va individualiser avec très grande clarté le profil d'un consommateur pour vraiment lui amener des publicités très ciblées. Tandis que lorsque l'individu, par exemple, écoutait la télévision avec une chaîne de médias de masse, bon, ben, les publicités étaient faites pour un public général. Donc, si un canal de télévision s'adresse à des gens vivant au Québec, donc la publicité s'adressait à des gens vivant au Québec, tout simplement. Donc, c'est très vaste. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, les publicités n'étaient pas personnalisées dans le sens qu'il y avait des publicités qui s'adressent à des individus masculins, d'autres féminins. Alors que si les informations que l'individu laisse comme trace par ses activités sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de diffusion, sur les sites web, donc notamment avec des logiciels de traçage, sont mis en relation ensemble avec des algorithmes sophistiqués, puis l'individu est masculin, bon, mais il va à ce moment-là recevoir avec plus... éventuellement juste des publicités qui s'adressent à des individus masculins et non pas féminins, et vice-versa. Donc, ça va être un ciblage publicitaire plus précis. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'individu sera appelé à développer un sens critique grandissant à mesure que l'intelligence artificielle va être utilisée et répandue de plus en plus sur Terre pour influencer ses comportements. Ce que l'esprit me dit par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle est le produit de l'intellect et du désir de l'ego à partir d'équations mathématiques d'appréhender la réalité physique. Est-ce que l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise en soi? La réponse, c'est non. C'est comme un couteau qui peut être à double tranchant. Donc, on peut se servir, par exemple, d'un couteau pour... beurrer pour mettre de la margarine ou du beurre sur une tranche de pain, et aussi le couteau peut être utilisé pour commettre un meurtre. Donc, autrement dit, l'intelligence artificielle n'est ni mauvaise ni bonne. Par contre, l'intelligence artificielle doit être abordée avec un esprit critique pour que l'individu soit capable de développer un sens de l'identité propre et une volonté propre qui va lui permettre de ne pas être assujetti par l'intelligence artificielle et les mécanismes qui en découlent, parce que l'intelligence artificielle peut être le fruit d'activités d'entités astrales qui vont influencer des individus à être enthousiastes et à investir d'énergie pour implanter rapidement l'intelligence artificielle. Et ces individus n'ayant pas nécessairement un sens d'identité propre peuvent mettre en place des inventions qui, à quelque part, vont les rendre esclaves d'un point de référence extérieur à eux. Donc, si on pense notamment par rapport à des applications vocales pour accompagner des gens, donc, c'est sûr que si on pense aux assistants vocaux, ben, si l'individu, au lieu de développer un sens d'identité propre et se référer par lui-même en priorité, il se réfère tout le temps à un assistant vocal qui va aller chercher pour lui de l'information sur le web pour avoir accès à certaines informations, ça garde l'individu en situation de dépendance. Et c'est sûr que s'il y a une centralisation de l'information qui s'opère dans les prochaines années par rapport à certains moteurs de recherche qui sont programmés par des êtres humains qui vont orienter les réponses aux questions que l'individu peut poser en lien avec des assistants vocaux. Parce que, à quelque part, il y a un nombre restreint de multinationales qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, ou si les gens utilisent toujours la même plateforme de recherche pour avoir accès à des informations, ben les individus vont être orientés par cette plateforme dans les réponses qu'ils vont recevoir. Donc, implicitement, ça va orienter le comportement d'individus. D'utiliser, par exemple, un assistant vocal d'une compagnie plutôt qu'un autre, se rapportant à certaines plateformes où sont entreposées des grandes quantités de données. Et là, à ce moment-là, ce que ça fait, ben, c'est que ça oriente la perception de la réalité de l'individu d'une façon plutôt que d'un autre. Et c'est très subtil. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, dans le fond, pour rechercher de l'information par rapport au changement climatique, ben, les premières occurrences sur un moteur de recherche que l'individu va pouvoir avoir accès avec les informations qui vont sortir d'un assistant vocal va donner un certain discours. Et c'est sûr que si la multinationale qui met en place l'assistant vocal ou qui est celle auquel se rapporte le moteur de recherche, eh bien, a un parti pris particulier en lien avec les changements climatiques, à savoir s'ils sont réels ou non, ben ça va être teinté dans les occurrences qui vont ressortir en premier, ça va être teinté dans le discours et l'information que la personne va recevoir. Et c'est sûr qu'on peut dire que, bon, l'information que la personne va recevoir va être colorée, ne sera pas objective. C'est sûr qu'on peut dire que l'information aussi que l'individu reçoit de l'invisible, que ce soit par le plan astral ou le plan mental, est également colorée, en effet. Et c'est la raison pour laquelle l'individu doit être amené à développer une conscience critique grandissante à mesure que des algorithmes sophistiqués grandissent. Donc, sa conscience individualisée doit être inversement proportionnel en intelligence réelle pour être capable d'accoter, entre guillemets, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et ne pas être piégé par elle. Donc, c'est ce que je voulais mentionner fondamentalement à travers cet enregistrement. Et aussi, c'est de réaliser qu'à quelque part, l'intelligence artificielle ne sera pas une intelligence qui aura la capacité d'être créative au sens d'émettre des nouvelles pensées, sur le plan vibratoire. L'intelligence artificielle pourra faire la permutation de données de manière de plus en plus sophistiquée qui va donner l'impression que c'est de la créativité, en ce sens qu'il existe des logiciels qui permettent, par exemple, d'échantillonner des succès de musique, donc prendre certains segments musicaux de chansons qui ont été des succès. Et c'est sûr que dans l'optique d'écrire des succès, ben un compositeur musical peut avoir accès à l'intelligence artificielle qui va, par exemple, échantillonner des chansons qui ont été par le passé des succès dans l'optique de reprendre et de regrouper ensemble certains segments musicaux pour donner place à un nouveau succès. Mais cette approche-là est celle du traitement de données déjà existantes pour les recombiner autrement. Tandis que l'intelligence réelle, c'est une intelligence qui est le fruit d'une activité qui relie la conscience individuelle au plan éthérique et qui n'est pas le fruit de la recombination de formes déjà existantes, mais le fruit de la captation d'une vibration qui va être traduite par la suite par des formes. Mais le mouvement de l'intelligence réelle, c'est un mouvement qui provient de la source de l'individu qui va générer de nouvelles formes, de nouveaux éléments, non pas par une activité de recombinaison d'informations et de dissociation. Donc, sur le plan créatif, l'un des mécanismes au niveau psychologique pour faire faire preuve d'une créativité, c'est celui de la dissociation, c'est-à-dire qu'on prend par exemple deux éléments différents puis on les met ensemble pour générer un nouvel élément. Donc, on prend par exemple la musique classique et on prend de la musique heavy metal et là, on donne place à une musique qui va mélanger de la musique classique et heavy metal. Donc, en faisant de la dissociation entre les deux. Où on prend des éléments qu'on ne voyait pas ensemble a priori, comme musique classique et heavy metal, pour donner place à un mélange entre les deux qui peut donner place à un nouveau style musical, là. Donc, puis on peut mélanger de la musique classique avec de la musique rap, de la musique hip-hop pour donner place à un nouveau style musical. Ça, c'est de la dissociation, donc associer deux éléments différents pour générer un nouvel élément. On peut faire plein de choses comme ça. L'intelligence artificielle va accéder dans ce type d'opération. Donc, on prend des formes déjà existantes, on les associe entre elles. Tandis que l'intelligence réelle, c'est pas le produit de combinaison de formes déjà existantes, donc de mémoires déjà existantes recombinées autrement pour générer, entre guillemets, de la nouveauté, mais c'est plutôt vraiment de l'émergence à partir de la conscience vibratoire de nouveaux éléments. Et chacun de ces éléments est porteuse d'une vibration qui peut être perçue et identifiée par l'individu qui a un noyau à la base dans sa conscience d'intelligence réelle, c'est-à-dire une conscience vibratoire. Donc, il y a des gens qui ont différents types de conscience vibratoire et plus que la conscience vibratoire est vive au sein de l'individu, et plus il est en mesure de reconnaître l'activité de la conscience vibratoire qui s'opère au sein d'un individu. Et avec une grande sensibilité, une grande précision de captation, car le semblable ne peut qu'être connu par le semblable. Donc, fondamentalement, ce qui va être l'élément de distinction entre l'intelligence artificielle, entre guillemets, et l'intelligence réelle, c'est la manifestation de la conscience vibratoire. Et c'est sûr que l'intelligence artificielle peut amener certaines pertes d'emploi par rapport à des individus qui faisaient des opérations mécaniques à répétition, comme par exemple de la saisie de 2D dans un logiciel informatique. Donc, au lieu que la personne prenne les informations de facture dans un logiciel et les transfère dans un autre logiciel pour entreposer l'information et faire la facture, ben ça peut être possible qu'il y ait des algorithmes et des logiciels qui vont faire la saisie de l'information d'un logiciel à l'autre de manière automatisée, ce qui va permettre à ce que l'être humain ait plus de temps pour faire autre chose. Et dans l'autre chose, ben ça peut être d'utiliser l'intelligence créative et connaître un développement individualisé. Donc, en ce sens que si l'intelligence artificielle est utilisée en bon escient, ben ça va permettre de libérer de l'utilisation de la conscience intellectuelle de l'être humain pour faire des tâches répétitives qui ont une certaine mécanicité, et c'est des tâches qui sont souvent monotones, comme par exemple faire de la saisie de données, de la vérification d'informations. Donc, si les logiciels sont sophistiqués et qui opèrent le traitement de l'information de plus en plus, et l'intelligence artificielle est utilisée à bon escient, bon, ben toutes les tâches qui sont automatisées, comme par exemple faire le prélèvement de loyer à chaque mois qu'un individu va payer, donc au lieu que l'individu à chaque mois fasse un chèque qu'il remet au propriétaire pour payer le montant de son loyer, ou même chose pour l'hypothèque pour une maison, bon, si les prélèvements se font automatisés par l'utilisation de programmes informatiques, ben ça libère du temps pour que l'être humain en fasse autre chose et utilise son intelligence réelle. Mais c'est sûr que des gens vont utiliser le temps qui est libéré par les tâches répétitives, comme payer le montant pour, par exemple, un véhicule automobile qui a été acheté. Et la personne doit faire un paiement à chaque mois, même chose pour l'habitation. Ben, il y a des gens qui vont utiliser le temps libéré pour, bon, passer du temps sur des réseaux sociaux ou sur des sites de diffusion web, mais il y a des gens aussi qui peuvent utiliser le temps libéré, non pas pour s'exposer à l'activité d'intelligence artificielle, mais plutôt pour manifester leur intelligence réelle en produisant des contenus et en visant à manifester la créativité en eux. C'est sûr que des gens peuvent se reposer aussi là, en regardant des vidéos qui leur sont suggérées. Là, un exclut pas l'autre, mais le point, c'est que, à quelque part, si l'intelligence artificielle est utilisée en bon escient, ben, elle va pouvoir libérer l'être humain de tâches répétitives à effectuer au même titre que les automates et les robots dans des entreprises de production industrielle peuvent libérer l'être humain de la réalisation de tâches qui sont exigeantes sur le plan physique et qui amenaient des lésions professionnelles. Donc, c'est sûr que des gens, à force de faire des mouvements répétitifs ou, par exemple, ils ont à forcer, ben, il y a des gens qui développaient des problèmes de mal de dos. Donc, si c'est tâches qui nécessitaient, par exemple, de soulever à répétition des objets qui sont lourds, sont remplacés par des appareils, par des machines, par des robots qui sont dotés d'intelligence artificielle, bon, ben à ce moment-là, ces gens-là ne voient pas leur capacité physique hypothéquée. Et c'est la même chose pour le temps de cervelle. Donc, autrement dit, si les tâches répétitives sont effectuées par des programmes informatiques, ça fait en sorte que l'individu a plus de temps de cervelle, donc de temps, devrait dire, de conscience, à être plus beau, à utiliser pour autre chose, dans le meilleur des cas. Mais on verra bien quel usage va être fait là, de l'intelligence artificielle. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que l'être humain doit craindre l'intelligence artificielle? Est-ce que ça me répond oui? Dans mesure que l'être humain est naïf et fascinable, ben, il y a à avoir, dans le fond, une capacité de faire face à l'intelligence artificielle de manière critique, comme tout élément qui sont introduits dans son système de vie. Donc, c'est ce que ça me dit. Tant que l'être humain peut croire, peut être naïf et qu'il n'est pas entré dans son identité réelle, oui, il peut être piégé par l'intelligence artificielle, puis oui, l'intelligence artificielle peut représenter une menace à son intégrité psychique, en ce sens que l'intelligence artificielle peut l'endoctriner par rapport à l'exposition à certaines vidéos qui vont tout le temps dans le même sens et confirmer certaines croyances et les rigidifier au sein d'individus. Donc, tant que l'individu peut donner préséance à la forme, à la vibration qu'il capte, ben, l'individu peut être en danger par rapport à des formes qui vont le manipuler, auxquelles il va donner de l'autorité. Donc, c'est le point qui me vient en tête. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que l'intelligence artificielle va continuer à se développer? Ça me répond oui, et ça me répond que son développement va s'accélérer là, dans les prochaines années, les prochaines décennies. Est-ce que l'intelligence artificielle, si je pose la question à l'esprit, c'est voulu par les plans de la lumière? Que l'intelligence artificielle se développe. Ce que ça me répond, c'est intéressant. Ce qui est voulu par les plans de la lumière, c'est que l'être humain soit capable d'avoir une relation où il maîtrise de plus en plus la dimension physique. Il déploie ses capacités au niveau intellectuel et autres. Est-ce que c'est voulu par les plans de la lumière que de l'intelligence artificielle? Ça me répond oui. Parce que ça va remplacer certaines tâches mécaniques que l'être humain faisait pour qu'il soit disponible à autre chose, dont la réception, entre autres, d'intelligence qui proviennent des plans de la lumière, donc que l'individu ait plus de temps pour s'intérioriser en ayant moins de temps à consacrer à faire des tâches mécaniques. Par contre, ce que ça me dit intérieurement, c'est que ça, c'est pas voulu par l'être humain que, par les plans de la lumière, que l'être humain devienne l'esclave de l'intelligence artificielle. C'est pas voulu que l'être humain soit manipulé par l'intelligence artificielle pour être détourné de lui-même et de son propre centre. Si je pose la question, pourquoi que les plans de la lumière laissent l'introduction massive en société présentement de l'intelligence artificielle? Ce que ça me dit intérieurement, c'est que la société est rendue là, c'est-à-dire à composer avec l'intelligence artificielle. Si je pose la question, pourquoi que, par exemple, la science de l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence réelle, dans le fond, n'est pas plus répandue pour que les gens utilisent l'intelligence artificielle avec intelligence? Parce que si je regarde les choses, pour moi, ce qui m'apparaît comme étant plus pertinent, c'est que dans un premier temps, les gens aient accès à la science réelle, accès à la science de l'esprit, pour ensuite utiliser avec discernement l'intelligence artificielle. Ce que ça me répond, pourquoi qu'il n'y a pas plus d'intelligence réelle qui est diffusée en société, qui est infusée dans le mental d'individus qui constituent la société, c'est que les gens ne sont pas prêts à en vivre davantage, mais ils sont prêts à être en contact avec l'intelligence artificielle. Ben, ce que ça me répond aussi, c'est que des éléments, le développement de l'intelligence artificielle est orienté par les entités astrales, par les désirs de certains égos de faire de l'argent à partir de ça, fondamentalement, qui aveuglent leur comportement. Donc, ça me fait penser ici, ce qui me vient en tête, c'est l'idée de celle d'un documentaire que j'ai écouté, qui s'appelle « Social Dilemma ». D'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Netflix en lien avec le déploiement de l'intelligence artificielle, où il était question d'un concepteur de certains éléments d'intelligence artificielle qui travaillait sur des applications en lien avec les réseaux sociaux de manière à accrocher la clientèle, qu'elle passe beaucoup de temps là-dessus. Et la même personne se ramassait par la suite, une fois son temps de travail complété, dans ses heures de vie personnelle, à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, parce que à quelque part était dans le fond gardé captive par l'influence et l'efficacité de la machine à retenir son attention avec les programmations. Autrement dit, elle cherche à amener des consommateurs à passer plus de temps possible sur des réseaux sociaux, et elle-même dans son temps personnel, eh bien elle subit l'impact de ce type de logiciel qu'elle met en place en passant elle-même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc autrement dit, la personne qui programme ces logiciels-là sous l'influence astrale dans l'optique d'utiliser ça à des fins commerciales peut elle-même subir l'impact de sa programmation et, par exemple, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, voire délaisser les membres de sa famille, délaisser l'animal de compagnie ou de faire de l'activité physique. Donc, autrement dit, les entités astrales vont chercher à orienter le comportement d'êtres humains pour amener des gens à faire une certaine utilisation de l'intelligence artificielle qui peut nuire au développement individualisé d'une conscience. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que les plans de la lumière sont au courant de ça. Et si je pose la question aux plans de la lumière, qu'est-ce que vous allez faire pour contrer ça? Ben, ce que ça me dit, c'est que ils vont envoyer des pensées dans le mental d'individus qui utilisent les réseaux sociaux pour avoir un esprit critique par rapport à eux. Et s'ils n'ont pas une communication télépathique par rapport à certains individus, ben, ce qui va arriver, c'est que certains individus vont souffrir, par exemple, de cyberdépendance en relation avec des réseaux sociaux ou des sites web ou de l'intelligence artificielle utilisée. Et lorsque les gens souffrent suffisamment à travers leur expérience, ben, à un moment donné, ils vont être obligés de modifier leur comportement. Ce que ça me dit intérieurement aussi, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir des dérapages, et il y en a déjà là, en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que c'est nouveau, parce que l'être humain n'est pas adapté par rapport à ça encore dans beaucoup de cas. Donc, des gens sont fascinés par rapport à ça, sont enthousiastes, sont naïfs. Et c'est sûr qu'un peu comme, par exemple, l'introduction de l'automobile, bien, il y a eu des mesures de contrôle qui ont été mises en place pour éviter les dérapages par la société liés à la difficulté de la gestion d'une manière totale du véhicule automobile en fonction d'une conscience absolue. Donc, pour convenir avec les lacunes de la conscience de certaines personnes, bien, il y a eu des règles pour encadrer les choses. Comme par exemple, il y a des limites de vitesse sur les autoroutes. Donc, par exemple, au Québec, en théorie, sur une autoroute, la personne peut rouler à un maximum de 100 km/h. Bon, ben, quand l'automobile a été inventée, À l'origine, il n'y avait pas de limite de vitesse. Il n'y avait pas non plus de permis de conduire pour empêcher que, par exemple, une personne qui a un problème de consommation d'alcool à répétition puisse conduire, piloter un véhicule automobile. Et c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il va y avoir des mesures de contrôle qui vont être mises en place pour réguler certains logiciels, réguler notamment l'impact que ça peut avoir dans les vies d'individus, c'est très intrusif là. Donc, parce que c'est sûr que l'intelligence artificielle peut être utilisée par, entre autres, des gouvernements pour avoir le profil parfait là, du citoyen qui va voter aux élections, et ainsi de suite. Là. Donc, ça part des implications politiques, des implications économiques et autres, là, toutes les informations qu'on peut recueillir sur l'individu à partir de logiciels au cours d'une vie. Les répercussions sont très grandes et c'est sûr que par rapport à tout ça, eh bien, ce que l'esprit, dans le fond, me dit, c'est que il y aura des dilemmes éthiques à résoudre. Qui vont nécessiter une grande dose d'intelligence réelle pour faire face à la montée en puissance et l'influence sociale grandissante de l'apparence d'intelligence générée par des algorithmes. Donc, c'est l'essentiel du discours. Et en relation avec l'exposition de plus en plus grande à de l'intelligence artificielle, est-ce que l'individu a à faire quelque chose de particulier? Ben, ce que ça me dit, c'est qu'il a à faire preuve de jugement, de discernement. Et son discernement doit être grandissant par rapport à toute information auquel il est exposé, tout simplement. Essentiellement, c'est ce que ça me dit par rapport à ça. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'éventuellement, l'intelligence artificielle, bon, va se développer dans les prochaines décennies, mais un jour, ça sera plafonné et l'être humain n'aura d'autre recours que d'accès à l'intelligence réelle pour continuer à avoir accès à des éléments d'information de plus en plus vastes. Parce qu'un jour, avoir accès à un ordinateur puis à de l'intelligence artificielle pour faire de la recherche d'informations, ça sera plus suffisant pour certains individus parce que il y a toujours une dimension limitée parce qu'on fait référence à du mémorial de choses qui existent. C'est sûr qu'avec le temps, l'intelligence artificielle va être capable d'être connectée avec des données en temps réel, que ce soit par exemple des informations liées à la météorologie, donc l'état de la température, l'état par exemple d'une activité qui se déroule comme une partie d'hockey, donc différents éléments. Il y aura même des fonctions il y en a de plus en plus d'ailleurs là, de prévoir des événements futurs à mesure que la quantité des algorithmes ont accès à une grande quantité d'informations de big data. Donc c'est sûr que de prédire des événements, des produire des formes à partir de formes. Ça a ses limites, mais la meilleure façon d'avoir une compréhension globale, englobante de la réalité, c'est de s'appuyer sur l'intelligence réelle plutôt qu'artificielle qui se réfère à des formes. Et la lacune de l'intelligence artificielle, quand même qu'elle ait des algorithmes, des équations de plus en plus complexes, c'est qu'elle repose sur la forme et une technologie qui se rapporte au plan physique. Ce n'est pas une technologie de nature multidimensionnelle, tandis que l'individu qui se réfère à l'intelligence vibratoire, aura accès à une forme d'intelligence beaucoup plus vaste qui se renouvelle en totalité dans l'instantanéité du moment présent d'une manière permanente. C'est sûr qu'on peut dire qu'en effet, l'intelligence artificielle va être capable de plus en plus de se renouveler pas créativement, mais se renouveler de plus en plus avec des formes parce qu'il y aura de plus en plus d'entrées d'informations qui vont se rattacher à des espaces de stockage d'informations qui vont être de plus en plus complexes d'appréhender d'une manière de plus en plus la réalité à partir d'une perspective physique et non pas une perspective multidimensionnelle comme l'intelligence vibratoire. Mais c'est sûr que plus que les gens vont vivre la fusion avec l'esprit, puis plus qu'ils vont être appelés à utiliser en priorité l'intelligence vibratoire et ensuite donner de l'autorité à l'intelligence artificielle. Et si l'individu part du principe que, à quelque part, il y a de l'information sur l'intelligence réelle qui est plus vaste que celle qu'il peut avoir accès à partir de moteurs de recherche, et d'algorithme, ben, il va, à quelque part, ne pas être victime de l'intelligence artificielle en lui donnant un rôle de premier plan dans son existence. Donc, si l'intelligence artificielle est utilisée au second plan, mais que l'individu utilise l'intelligence vibratoire, et c'est sûr que l'intelligence vibratoire peut amener l'individu, par exemple, à faire une recherche dans un moteur de recherche, puis l'individu peut être mis en vibration pour lire un article plutôt que d'autres. Et si l'individu part de cette compréhension et suit le fil d'Ariane que représente le déploiement de son intelligence réelle, ben à ce moment-là, il se perdra pas dans l'utilisation de l'intelligence artificielle qui le détournerait de sa source. Donc, si l'individu œuvre à partir de sa propre source et ensuite, dans le fond, s'il met en vibration par sa source, oui, à utiliser un certain moteur de recherche, puis là, il y a des occurrences qui sortent, puis là, il y a tel article qui est mis en vibration pour le lire et qu'il le lit, ben là, c'est intelligent parce qu'il va dans le sens du courant vibratoire qui passe à travers lui. Donc, à ce moment-là, l'intelligence artificielle n'est pas une zone de perdition. Mais tout ça demande du discernement. Et c'est ce qui va compléter cet enregistrement audio. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.